kolukayo ya sona lembinga na kolukayo soki oyo kizonge longa mama opeki sanga motema soki olinginga mama yoka Soki oyo kizonge langa mama Opeki sanga motema soki olinginga mama yoka Dina oyo kigana koluka yo Ya solo na lembi gana koluka yo Soki oyo kizonge langa mama Opeki sanga motema soki olinginga mama yoka Wapi yoliza, nazobela mama Wapi yoliza, obosa na gaite Wapi yoliza, nazobela mama Wapi yoliza, obosa na gaite Lina oyo kigana koluka yo Ya solo na lembi gana koluka yo Soki oyo kizonge langa mama Opeki sanga motema soki olinginga mama yoka Wapi yoliza, nazobela mama Wapi yoliza, oposa na gaite Wapi yoliza, nazobela mama Wapi yoliza, oposa na gaite Lina oyo kinga na koluka yo Ya solo na lembi gana koluka yo Soki oyo kizonge langa mama Opeki sanga motema soki olinginga mama yoka Je suis malade, malade tous les jours, mama Je suis malade, malade tous les nuits, yeah, yeah, yeah. Je suis malade, malade tous les jours, mama. Je suis malade, malade tous les nuits, yeah, yeah, yeah. Je suis agonie, mon docteur m'a dit que sans toi, moi va vivre mon liwa, dépêche-toi, wow, wow, olinae. Je suis agonie, oh. Je suis malade, malade tous les jours, mama. Je suis malade, malade tous les jours, yeah, yeah, yeah. Je suis malade, malade tous les jours, mama. Je suis malade, malade tous les nuits. Je suis malade, malade tous les jours, mama. Je suis malade, malade tous les nuits, yeah, yeah, yeah. Je suis malade, malade tous les jours, mama. Je suis malade, malade tous les nuits, yeah, yeah, yeah.

Si je suis bien ou pas. Thank you. We nu gueda tima bawea. Mere po ko ba doko. Ono ko pide be. Se we ko ja mombi. We nu gueda tima bawea. Mere po ko ba doko. Ono ko pide be. Se we ko ja mombi. Weda tima bawel, mene poko badoto, ono kompide bele, sewe koda mami. Weda weda tima bawel, mene poko badoto, ono kompide bele, sewe koda mami. Weda tima bawel, mene poko badoto, ono kompide bele, sewe koda mami. Weda tima bawel, mene poko badoto, ono kompide bele, sewe koda mami. Weja che kuna sito weho, weka radon siwe. Weja che kuna sito weho, weka radon siwe. Adansi si botata. Se voltada, when you need to go. Ne cura dura si to eu, we caro coi we. Ne cura dura si to eu, we caro coi we. Coi voltada, when you need to go. Cura mola coi voltada, when you need to go. Bokon, o yo poko titi so kambo. A mo me kere je, o do ma. noki yaka mama. Ah, ozali na zela na weli se bokoto libala na yo. Tout seul dans mon lit, j'ai le besoin d'être avec toi. Corps contre corps, une fille comme toi n'existe plus. Souriante et belle, ma vie t'appartient na koloba na yo. Ozala ki wapi na weli se bokoto libala na yo. J'ai le besoin d'être avec toi. Par contre, corps, les faux conseillers vont te trembler ou te trahir. Les attentions na koloba na yo. Oh, zala ki wapi na weli se bokoto libala ya yo. Ya te madudu.